Et comme des patrons, nous commençons ce quatrième épisode de Geekorama. Comme des boss. Hey, salut Dom. Ça va? Ben oui, ça va toi? Super, oui. Yes. Quatrième épisode, encore une fois, nous recommençons. Oh ben. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Puis, t'as de l'air à aimer ça? Ben, t'as pas rien que l'air à aimer pas ça. Pas de l'air, je me sens C'est ça, il faut comprendre, hein. T'es nouveau dans ce paysage-là, mais tu connais très bien. Ouais, mais écoute, mais qu'on soit rendu à notre 20-30e, tu m'en reparles. On va avoir pas mal d'expérience en dessous de la cravate, puis je t'en tire très bien, dude. T'es très bon. Donc, salutations à tout bonjour, le monde. Bonjour. On est très contents bon d'être de retour. Bonsoir, bon après-midi. Peu importe. Ouais. Bonne ride de char, bon bus, bon train. Ouais, il y a peut-être du monde qui nous écoute en train. Ah oui, on sait pas. Ça se peut. Déjà, un de nos auditeurs qui m'avait dit que lui aimait ça, je pense, de Laval à une autre place. Puis il prenait le train. Donc, quand c'est long, on écoute des podcasts. Ah oui. Voilà. hey, grosse nouveauté. On est rendu qu'une page Facebook. Yes. Yeah. Donc, ceux qui ont remarqué probablement ce matin, là, dans le moment où ce qu'on se parle, probablement que ça va changer d'ici la sortie de l'épisode. Là. Ça, c'est sûr et certain. On est à plus ou moins 40 likes. Pas loin, ouais, ça va. Et wow, on ne peut être que plus reconnaissant. Plus ça en une avant-midi. À peu près. Ça n'a pas été long. J'ai fait ça le matin, pas longtemps après qu'on s'est élevé. Qu'on s'est élevé. Puis, donc, ça l'a grimpé en flèche. Puis, on a eu beaucoup de. Ben, on a eu des demandes, savoir comment nous rejoindre, puis tout ça, comment nous écrire. Ben, là, you have it. Ça va être, dans le fond, tout ce qui va être demande spéciale, tout ce qui va être commentaire et tout. Ça va être beaucoup plus facile de en attendant qu'on ait la fameuse adresse. Oui. qu'on a vraiment de la facilité à faire. Non. Fait que voilà. Et on parle bien sûr de l'adresse Gmail. Ouais. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pressant. Pour l'instant, allez sur la page Facebook. Je sais par expérience qu'il y a du monde qui... Bon, les réseaux sociaux, ils ont pas ça. Ils trouvent que l'email, c'est plus pratique. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Prenez votre mal en patience. Là. Bon, votre mal, on s'entend. On prendrait de vous torturer. C'est pas mal. C'est pas mal, là. On s'amuse. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, on va directement sur la page Facebook. C'est moins compliqué comme ça. Vous pouvez directement envoyer des messages privés maintenant sur Facebook pour les pages. Fait que ça aussi, si vous voulez plus d'intimité, si vous voulez pas nécessairement voir que le monde voit vos messages, vous pouvez directement nous écrire. Yes. Et voilà. Et entre autres, sur la page, on a eu des commentaires. On a eu plusieurs commentaires. On en a eu quelques-uns. Mais avant tout, je crois, si je me trompe pas, qu'on en a eu sur notre site directement. Sur le blog. Sur le blog de FJJ. Alors, on a entre autres, comme on l'avait spécifié, Sylvain Germain. Écoute, c'est juste pour te dire, Sylvain, amène-nous des tunes précises. Nous, on veut vraiment, je sais pas si vous le savez, mais une soundtrack, une OST de jeux vidéo, ça contient entre, 10, des fois 20 soundtracks, donc il y en a beaucoup. Si vous les aimez toutes, ce qui est peut-être le cas, tant mieux. Oh oui. Mais on aimerait la précision. Amenez-nous vraiment des titres précis. On veut quelque chose qui est plus concret. Ben, il y a Julien aussi de Factor Geek. Il y a Julien de Factor Geek également. Suggestions. Donc lui, il dit tout de Skyward Sword ou de Journey. Encore là, je viens d'avoir un flash. Avec la version disque de Journey, il y a la soundtrack d'inclus. Ah ouais? Donc moi, je l'ai sur mon PS3. Puis au pire, je vais te l'envoyer chez toi pour que tu puisses l'avoir sur ton PS3. Et ainsi donc l'avoir. Je viens juste d'y penser. Vraiment. Puis la version de Journey Collector, je trouve qu'elle vaut vraiment. Ben, je l'ai critiqué dans mon show FJJ. Je trouvais que les jeux qui donnaient les trois jeux, c'était du n'importe quoi. Mais là-dessus, ils ont vraiment frappé fort. Je trouve la soundtrack était. Mais les deux autres, Flower, puis il y en avait un autre, je me rappelle pas. Sont-tu bons, ceux-là? Ouais. Oui, c'est bon. C'est pas des jeux de l'année. Flo, je trouve que c'est un peu simpliste. Là. On se promène dans une espèce de gélule et on mange d'autres cellules et bon, on change après ça. Il y a comme. C'est sur plusieurs fonds. Donc, premier fond, après ça, deuxième fond, puis tout ça. C'est correct. Ça joue avec la C-axis. Chose que je déplore un peu, mais non, c'est correct. Okay. Tu les essaieras. Moi, je vais te le prêter, tu les essaieras, puis tu me diras ce que t'en penses. Parce qu'honnêtement. Ben, je suis sûr, ça, mais. Ah, moi, c'est ça que je pense, oui. Bon, écoute, tu checkeras ça. Ah oui, non, c'est ça. En plus d'avoir la soundtrack de Journey, t'as vraiment plusieurs coffrets. En tout cas, t'as des avatars, t'as des images, t'as plein d'affaires. Ça vaut vraiment la peine. Beau coffret complet pour 30$. Je trouve que, en tout cas, bref. Il nous a parlé de Journey et Skyward Sword. Donc, toi aussi, Julien, donne-nous des titres. On veut des titres. On veut des titres plus précis parce que c'est. On les met comme ça, on peut pas toutes les mettre, ça. Oui, mais. Dans l'épisode spécial, on va savoir quoi mettre aussi. C'est ça, exact. Si t'en veux une en particulier. Puis, ça, mettons, on vient à choisir des tunes, mettons, de Skyward Sword, mais ça, mettons, on a choisi une, puis c'est celle-là que tu voulais qu'on mette, ben là, on va l'avoir déjà mis dans un autre épisode. Ouais, c'est ça, fait qu'on peut pas faire ça, fait que c'est pour ça que. Puis, mec, qu'on ait assez vraiment de chansons, faire un épisode, un gros épisode, évidemment, c'est là qu'on va faire. On va faire l'épisode. Combien qu'on va en faire? Je sais pas. Ça va dépendre comment vous allez recevoir. Ouais. Comment vous allez nous donner de suggestions, finalement. C'est pour ça qu'on attend d'en accumuler quand même. Ouais, exact. Pas mal. C'est ça. Et ça fait au moins une heure, tu sais, comme on va faire dans l'habitude. C'est ça. Exact. Donc, puis merci encore. Merci de nous avoir encouragés. D'ailleurs, Julien qui nous a tweeté pas plus tard qu'hier, je crois. Merci beaucoup, Julien. Ouais, merci, c'est le fun. Parce que lui-même, il plein fait. De plug. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un fan de musique de jeu également. Donc, puis lui, ben, c'est un peu sur lui d'ailleurs que je me suis basé, que je me suis inspiré. Ah, ben, il y a son podcast. Il y a son podcast Musique Geek sur Factor Geek, oui, puis c'est ça. Donc, moi, je me suis basé sur toi, sauf que, c'est ça, nous autres, c'est pas sur Ocre Remix, c'est vraiment de la musique originale. Mais allez voir ça, si vous aimez les remixes, ça vaut le détour. Ben, on a eu deux autres suggestions, on les a étudiées sur Facebook. Sur notre page Facebook, ouais. Directement. Oui. Voilà. On a eu Mathieu Lamar qui nous propose Xenogears, Bound of the Sea and Fire. Ouais, Bound of the Sea and Fire. Que je ne connais absolument pas. Je connais absolument pas ça. Ça a l'air très bon. Kevin Brasseur, encore une fois, qui nous dit Metal Gear Solid Encounter. Toi, ça te dit quelque chose tantôt? Ouais, je pense que je l'ai. Ben, je l'ai déjà entendu, mais ça me dit quelque chose. Mais ce que je me demande, c'est-tu le premier, le deuxième, le troisième? Ça a l'air d'être le premier, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, à ce que je vois, c'est ça. Ça, c'est vraiment une toune, des deux tounes spécifiques. C'est ça qu'on veut. Je vais arrêter de bégayer un jour. C'est correct. Enfin, c'est ce qu'on veut. Donc, voilà. Donnez-nous, continuez à nous en envoyer un moment donné. On va faire carrément l'épisode suggestion, demande spéciale. On va dire votre nom. On va citer, on va vous citer dans l'émission. Comme ça, vous allez savoir. Ça, puis c'est cool. On aime ça. Et écoute, ensuite, on va passer au deuxième, troisième, peu importe, au prochain volet, ça. On va arrêter de bégayer, là, comme on dit. Ouais. Les jeux qu'on a joués dernièrement. Petite discussion. Moi, je vais parler aussi de quel soundtrack que j'ai écouté. J'ai joué à pas mal de jeux, je te dirais. J'étais assez actif. Crime que j'ai joué, là. Puis j'ai l'université là-dedans, puis ça va bien, puis je me demande comment je fais. C'est ça. Probablement que mes notes pourraient être encore meilleures si je gamais moins, là. Mais ça, c'est un détail. Fun gaming. Ouais, moi, ça me détend. Ça m'a toujours détendu. Ouais, c'est ça. Puis là, je veux dire, on s'entend qu'on a eu une grosse période où les jeux pleuvent à flot. Il y a beaucoup de spéciales. Fait que non, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Ceci dit, tu veux-tu commencer? Écoute, moi, premièrement, je me suis procuré beaucoup de jeux sur Steam dernièrement. D'ailleurs, je pense que c'est fini, rendu où ce qu'on est. Ça finissait le 27, il y a eu des gros deals. Oui, c'est vrai. Encore des gros deals de fou de la part de Steam. Je pense que je me suis procuré peut-être bien une dizaine de jeux certains, dont beaucoup de Serious Sam. J'ai acheté le pack complet. J'en avais déjà quelques-uns. Mais ça valait la peine que j'aille les autres, ça valait vraiment pas cher. T'as-tu le dernier en plus? Le 3, oui, avec l'extension, puis tous les autres jeux de Serious Sam, oui, il y a un paquet de jeux. Ça vaut vraiment la peine. Pour combien t'as eu ça? Attends un peu, j'ai pas fini. Je vois tous tes dires, j'ai Bastion, il y a To The Moon. Après ça, il me semble d'avoir d'autres. En tout cas, j'en ai pas mal. Tout avec des bonnes soundtracks. Au moins une dizaine de jeux faciles, ça m'a coûté je pense 50$. C'est ridicule. Ah oui, Indie Game de Movie aussi. Oui, c'est vrai. Très bon, faut que tu checkes ça. Ben oui, c'est. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Il va vraiment falloir que je regarde. Super Meat Boy aussi, je me suis procuré. Un paquet de bons jeux, ça valait vraiment la peine. Non, oui, exactement. Non, les soldes de Steam, ça fait. Mettons que ça fait beaucoup parler, puis le monde, ça fait mal au portefeuille dans ce temps-là, parce que ça coûte pas cher, mais t'achètes en tonnes, puis ça va entre 50 et 60$. J'ai pas Steam, moi. Ça me le prendrait. Ça me le prendrait parce que je suis sûr que j'aurais accès, c'est sûr, j'aurais accès à une bibliothèque complètement folle de jeux. Mais depuis quoi, peut-être, depuis que j'ai acheté mon iPod, finalement, là, je suis rendu dans mon trip Apple Store, là, tu sais. Je trouve ça trippant de fouiller là-dedans parce que t'as beaucoup, beaucoup de jeux de 1. T'as beaucoup d'applications qui parlent, mais écoute, les jeux coûtent rien. Ouais, c'est ça. J'ai acheté un jeu que je vais parler plus en profondeur dans... En tout cas, si vous écoutez cette émission-là, puis que l'épisode que je vous parle est déjà sorti, ça donne rien que j'en parle. Mais bref, j'ai acheté Punch Quest. Ça s'appelle Punch Quest. Puis c'est super simple. Ça coûte 1$, puis c'est tellement efficace, là. Avec un nom comme Punch Quest, la quête des coups de poing. Ben oui, c'est carrément ça. C'est un dungeon crawler. T'avances tout seul, puis tu donnes des coups de poing. Puis tu peux sauter dans les airs. En sautant dans les airs, tu donnes comme des uppercuts. Et c'est ça. Fait que toi, tu vas super vite. Puis t'as des ennemis des fois qui sont dans les airs que tu peux pas nécessairement puncher. Puis que si tu sautes comme en haut de l'ennemi, tu te fais toucher, donc faut que tu aies un petit peu plus à côté, ou okay. Des fois tu sautes, tu donnes des coups de poing. C'est super rapide, c'est frénésique, mon gars, là, ça arrête pas, mais c'est, écoute, bah, ça pour une pièce, gars. Ah, une game va durer quoi, 3-4 minutes. C'est quand t'as rien à faire, t'as un petit 5 minutes à tuer, tu prends le bus, ouais, tu vas dehors, clac clac clac clac, tu joues, puis après ça, alors, je te dis, je vais en parler peut-être plus en profondeur mais que je fasse mon podcast de J. Okay. Mais then again, si vous écoutez ça avant, ouais. Je viens de tout dire ça pour rien, puis on s'en fout. Mais bref, non, tu sais, c'est ça, j'adore la palette iOS. Je trouve que c'est de quoi que j'avais pas. Puis oui, je dois l'avouer, Android, malgré que c'est bien des affaires gratis, je trouve que, écoute, mon iPod, c'est pas un plus fluide, on s'entend, c'est vraiment un bidule de qualité, fait que. T'sais, je retrouve vraiment la qualité que je recherchais dans les cellulaires ou dans les peu importe, les bidules mobiles. Je retrouve vraiment cette trip-là. J'adore ça. J'arrête pas de chercher des petits jeux. Là, faut que je me slack, là, parce que bon, j'ai acheté Bastion dernièrement, justement, à 5$. Est-ce que c'est pas cher de mettre sur iOS? Ben, c'est ça. T'sais, pis moi, j'étais habitué de magasiner dans le physique. Physique, t'as entre 15 et 60. T'sais, t'as des triple A, pis t'as des jeux sortis il y a longtemps, qui sont bons, pis t'en as des moins bons. Tandis que là, t'as du bon stock pour 1$, ouais. 5$. Fait que, t'sais, là, ça me fait de la peine de dire ça, mais non, je suis content que la plateforme mobile existe, parce que j'ai bien du fun à chercher et à trouver des deals. Puis je suis sûr que Steam, ça va être pire que ça. Je suis sûr que Steam, là, je vais faire quand même, mon Dieu, Seigneur. Surtout que je suis rendu qu'une carte de crédit. Ben, que, non, mais Steam, t'en as pas besoin de carte de crédit, si tu veux. Là, tu peux payer avec PayPal. Il y a beaucoup de modes de paiement. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas encore PayPal. J'ai pas PayPal. Mais il faudrait vraiment que je m'y inscrive, puis tout ça, parce que c'est vrai que c'est cool d'acheter avec une carte de crédit, mais t'sais, il faut que t'appelles ta carte de crédit. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ailleurs, je pense. Non, on a le temps de. Je pense que dans le temps des fêtes, Steam, il y a encore des gros deals qui s'en viennent. Fait que si tu te le procures, Steam, là, prochainement, là, tu vas encore des gros deals, je pense, qui s'en viennent. Pour le temps des fêtes, me semble qu'il y en a. Ouais, non, c'est ça. La différence entre iPod aussi puis mon PC, c'est qu'il n'y a pas nécessairement tous les jeux de Steam qui peuvent rouler sur mon PC. Okay. Tandis que, tu sais, quand j'achète un jeu sur iPod, je le sais comme de source sûre et certaine, à 100% qu'il va rouler. Fait que pour moi, le sentiment de, tu sais, ok, je l'achète, puis ça se fait tellement rapidement, dude. Ils te font ça tellement simple, là. Tu cliques, ça donne l'autre à titre, là. Ah, ça, tu mets ton mot de passe, puis simplicité. Regarde, simplicité, rapidité. Oh. Puis à part ça, dans les jeux, moi j'ai fini Metro 2033. Ah, sur PC, là, c'est ça. Ouais, c'était fun. C'est pas un hit, là, mais non, j'ai quand même bien du plaisir. La soundtrack de jeu, là, c'est-tu plus pour l'ambiance? Et j'ai pas dit le mot que. Hein? L'ambiantisme. L'ambiantisme. Critique, mais. Et voilà. Mais c'est. Non, c'est ça, c'est-tu plus ambiance chose ou c'est la soundtrack qui a de l'allure? Ben, moi je dirais plus qu'elle est plus ambiantique. Ok, ouais, mais, c'est ça. Okay, ouais. Ben, des fois, des. Qui fit avec le jeu. Tout dépendant quel moment du jeu, des fois, t'as comme des tunes qui passent dans la radio, mais c'est vraiment des tunes originales. Ouais, des tunes populaires. Non, je suis allé checker vite là, sur YouTube les soundtracks, pis là, ils ont du bon sens. Je vais aller d'ailleurs peut-être m'en procurer. Ce que je sais que ça se passe, c'est-tu en Allemagne que ça se passe ou en Russie? Il me semble que c'est dans ce coin-là. C'est basé sur un livre, d'ailleurs, ce jeu-là, si je me trompe pas. Ouais, mais ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe pas au Canada, ça se passe vraiment, je pense, en Allemagne ou en Russie. En tout cas, Ça, je vais le reconfirmer, mais sinon, c'est cool. Ah, c'était le fun. Puis après ça, j'ai commencé Black Ops 2. Oui, hey, mon Dieu. C'est fun, quand même. Ouais, la campagne est plaisante. J'ai peut-être bien pas loin la moitié de fête. Il y a une chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a comme des espèces de missions secondaires. Parce que c'est comme un peu du roleplay, là, mais un peu de la stratégie. Là. Okay. Tu peux gérer tes unités puis tout ça, puis quand tu sais plus trop quoi faire, là, tu peux aller comme incarner ton unité. Là, tu peux devenir un tank, mais tu peux aller prendre le contrôle d'un soldat. Faut-tu défendre ta base contre des vagues d'ennemis. Ok, ouais, ça. Mais c'est-tu la gérance style Age of Empires ou de la gérance style un peu comme Ghost Recon, où tu donnes des ordres à tes. Non, c'est peut-être plus comme Ghost Recon, là. Avancer tes unités à tel endroit, défendre ça, va attaquer ici. C'est aussi simple que ça, mais moi j'aime pas ça, puis c'est des missions que je pense que t'es pas obligé de faire, puis je les fais pas parce que j'en ai rien à cirer. Ok, parce que t'as des missions secondaires dans. Ah, ben c'est ça, les missions secondaires. Moi, tout ce que je joue à Call of Duty, c'est. Tirer, puis faire des histoires, puis là-dessus. Ah, non, c'est ça, exact. C'est ça, moi je l'ai pas essayé parce que, bon, quand j'ai une panoplie de jeux à terminer, aussi. C'est ça. Mais non, quand même, je veux dire, les critiques restent très bonnes, le monde semble assez favorable à ça. C'est vrai que c'est quand même, c'est Call of Duty, ça va rester un indétrônable entre parenthèses. Ouais. Je suis content, dernièrement, j'ai passé aussi Mega Man 4, que je suis bien content d'avoir fait. Je l'ai fait pour une deuxième fois, okay. Mais la soundtrack est tellement pas à bypasser, elle est vraiment écœurante. C'est du méga. Dr. Kozak, là, c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. C'est tout à fait. Parce qu'on parle souvent du 2, du 3, mais tu sais, le 4, le 5, 6 avaient quand même leur tune mémorable, tu sais, quand même. Pas aussi catchy, mais pas aussi prenante que les anciens titres, mais tout de même. Ouais, quand même, ça reste très bon. Ça reste vraiment très bon. Et sur ça, sur ces belles paroles. Du pour. Pour le bloc 1. Le bloc 1, effectivement. Qu'est-ce qu'on a au bloc 1 d'Homme? Ben, on a ActRaiser, oui. Fillmore sur le Super NES. On en parlait tantôt hors onde et on se disait, c'est-tu le stage 1? Et je pense, je pense que oui. C'est vraiment encore. Ça va devenir une marque de commerce, nous autres. Hein, écoute, le premier stage, puis des chars qui volent. Les chars qui volent, les ambiantistes. Les ambiantiques aussi. C'est ça, l'ambiantique des chars qui volent au premier stage. Voilà. Mais Fillmore, hein, c'est vraiment très bon. Mm. C'est super, super bon. On va prendre une petite pause. Je vais aller vous dire c'est qui a composé ça. Pas de problème. ça a été fait par Enix, mon Dieu. Publié par Enix, puis développé par Quintet. Je sais pas c'est quoi Quintet. Quintet. Composeur, c'est Yuzo Koshiro. Ah, puis oui, à partir de maintenant, quand il va y avoir une panoplie de gros développeurs, tu sais, là, beaucoup de développeurs japonais, je les dirai pas. Parce que quand j'ai écouté le troisième épisode, là, je me suis rendu compte, après mon écoute, je m'en souviens déjà plus. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Hein, t'sais, je me le demande vraiment. Ou peut-être je vais les dire juste pour. Bon, dis-le, pour le fun. Pour le lol. Donc, c'est ça. Yuzo Koshiro qui nous a composé ça. C'est disponible sur Super Nintendo et mon Dieu, je viens de lire sur téléphone mobile. Ah oui, virtuel console. Je sais pas si ça doit. Parce que c'était pas facile, ActRaiser, faut se le dire quand même. Moi, du moins, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Je l'ai jamais joué. Sur une console, par exemple. Peut-être que sur. Peut-être sur console, ça doit être. Avec la manette, c'est sûr, ça doit être mieux. Mais moi, je l'ai tout le temps joué sur émulateur, ce jeu-là. Tout le temps. C'est quand t'es dans le. Parce que, veux pas, t'as deux modes. T'as le mode. Le gun mode, là, c'est ça. Ouais. Tu. T'es une espèce de petit ange dans le ciel. Puis il faut que tu protèges. C'est du monde qui te vénère. Il y a des démons, donc là, faut que tu détruises la source démoniaque. C'est tout le monde à jouer quand t'es vraiment dans le mode plateforme. Là, ouais, c'est ça. C'est que là, t'as comme une espèce de. Toi, t'es une statue de base en bas. Là, il y a une espèce de cercle de lumière qui s'en va dans toi, puis là, tu commences. Ouais. Ça te donne le goût de foncer dans le tas, de bûcher, là. Puis là, écoute, c'est fantastique. Plus que plus épique. C'est vraiment très épique. Après ça, numéro 2, on a nul autre que Breath of Fire 2. Encore une fois, on aime ça. Oui. Non, c'était-tu dans Breath of Fire 1 qu'on avait mis dans le dernier? On n'a pas mis, mais non, on n'a pas comme mis Breath of Fire. Oui, on en a mis. Oui, je me. Sûr, ouais, ouais, dans en le premier cas. Épisode. Mais le premier épisode, il existe pas. Breath of Fire 2, c'est publié par Capcom et c'est fait par Capcom. Le compositeur, c'est Yoko Takehara. Yoko Takehara, on le salue. Écoute, Breath of Fire 2, c'est probablement. Moi, je trouve que de 1, c'est le meilleur. C'est vraiment. Ça n'a pas été fait par la même compagnie. Le 1, ça a été publié, je pense, et distribué par Square Enix, okay. Si je me trompe pas. Le 2 a été fait par Capcom et. Cross Counter, c'est vraiment. C'est la toune de combat. Ben, la première, parce qu'à un certain moment du jeu, la toune de combat régulière, elle change. Ouais, exact. Puis ça, c'est vraiment quand tu commences, parce que tu sais, t'as une espèce de prologue quand t'es jeune. Ouais. Tu t'en vas de, comme, explorer finalement, puis là, pouf, tu rencontres un espèce de. Tu rencontres un boss. Moi, je m'en rappelle pas de son nom, mais il est assez non épeurant. Il est assez épeurant. Il est vraiment épeurant, puis il te pète la gueule. Ouais. Puis c'est cette toune-là qui joue. Très bonne, très. Non, c'est pas ça, là. C'est pas cette toune-là qui joue. Ah non? Non, c'est vraiment dans les. C'est vrai. Ça, c'est vraiment le prologue. Donc, quand tu commences à battre régulièrement avec. Excuse, oui, c'est vrai. C'est vraiment ce tout. Puis après ça, a fini par changer. Ouais, t'as raison. Mais, tu sais, ni plus ni moins, ça reste une très bonne chanson. C'est pas facile. Non, il était dur. Il était vraiment difficile. Je l'ai jamais passé. C'est pas par manque de volonté ou par. J'ai passé autre chose. C'est vraiment juste parce que. J'ai stagné. J'ai comme fait. Ok, je me fais buter. Sur la Super NES. Ouais, sur la Super Nintendo, ça vaut quoi? Je pense 50, 60 piastres. Peut-être 30 points. En tout cas, c'est 40, certain. Entre 40 et 50, je dirais. Mais non, ça vaut vraiment le détour. Ensuite de ça, on a Mega Man 7. Mais attention, Mega Man 7, là, c'est pas une toune. Je dirais que c'est pas la toune d'un stage en particulier, d'un monstre, d'un boss. C'est comme un clin d'œil un peu la toune. C'est un Easter egg de toune. Ça, j'adore ça quand ils font ça. C'est la toune de Shademan. Shademan, mais la deuxième version. Ouais. C'est quand tu reviens, tu y vas la première fois, c'est la toune de Shademan normale. Et quand tu passes par un chemin, si je me trompe pas, c'est quand tu vas voir Protoman. Mais je suis vraiment pas sûr, je l'ai fait dernièrement, mais c'est quand même assez loin. Puis c'est quand tu te retournes dans ce tableau-là, justement, pour aller à Protoman ou un truc de même, il y a cette toune-là qui embarque. C'est vraiment cool. Une version différente de quoi? C'est Ghoul and Ghost, je pense. De Super Ghoul and Ghost. Ghoul and Ghost, qui est au Super NES. Vraiment bonne. Faite à la Mega Man. À la Mega Man 7, là. C'est vraiment trop bon. C'est développé et publié par Capcom également. Et le compositeur qui a fait ça, en fait les compositeurs, hein, regardons ça, Yuko Takehara, on l'a vu lui tantôt, ouais, je pense. Toshihiko Oriyama. Oriyama, je le regrette. Makoto Tomozawa. Voilà, fait que trois sympathiques japonais qui nous ont cuisiné. On va oublier dans quelques secondes. Et voilà, donc c'est vraiment très bon. Fait que Shademan, un beau petit clin d'œil à Super Ghosts and Ghosts, j'adore ça, ou Ghosts and Goblins, bref, les deux sont pareils. Donc, c'est tout pour le bloc 1. Ouais, fait que pour les, selon on vous envoie Akrazer, Fillmore, après ça, Breath of Fire 2, Cross Counter, et Mega Man 7, Shademan 2. Bonne écoute. Yeah. We'll be right back. Nous sommes de retour! Deuxième bloc! Pour le deuxième bloc. Alors, pour la première chanson, qu'est-ce qu'on a? On a... Nous avons Shadow of the Beast. Yes, monsieur. Eerie Forest. Ouais, Eerie Forest. Ça, honnêtement, j'ai jamais joué à ça de ma vie. Moi non plus. Ah, bon, et voilà. Mais, chose est certaine, ça a été développé par Reflection Interactive. Ça a été porté sur 1 million de plateformes. C'est incroyable. Commodore Amiga, Atari ST, Amstrad CPC. Que c'est ça? Commodore 64, ZX Spectrum, Super NES. Ah ouais. Ah, je savais pas non plus. Super Mega Drive, Genesis. Sega Master System. Atari Lynx. Le Lynx, si je me trompe pas, c'était la version portable d'Atari. Ah ouais. Si je me trompe pas. Il y avait-tu du relief de Lynx dessus? Oui. Non. Okay. Ça, FM Tone, mais qu'est-ce que c'est ça? PC Engine, Turbo CD. Turbo CD. Fait que ça a été porté sur pas mal de trucs. Ouais. Je n'ai... À part le SNES puis Genesis, moi, j'ai jamais eu vraiment eu ça. Pis ça a été composé par David Whittaker. Whittaker, yeah. qui utilisait des instruments, des exemples dans, du côté des, probablement de... Ben, des samples, de High Quality Music. Mais non, c'est ça, non? Le son là-dedans. C'est vraiment cool. La soundtrack est vraiment tout simplement merveilleuse. C'est plate que je peux pas en dire plus sur le jeu. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est un... Folie de YouTube. Je pense que c'est un plateforme, en tout cas, c'est un side-scroller certain. Ouais. Mais là, le fun, en tout cas, faudrait que je l'essaye, là, mais en tout cas, cette soundtrack-là en particulier est vraiment cool. Ah non, c'est vraiment bon. Puis là, on regarde à quoi, je pense, c'est la musique de Forest, je me trompe pas. Dans ouais, fond. Ça doit être ça, là. C'est juste le premier mot. Eerie Forest. Eerie, je sais pas, là, E-E-R-I-E, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà vu ça en quelque part, mais je pense que ça veut dire juste une forêt abondante ou quelque chose dans le genre. Fait que bref, oui, ça doit être dans le forêt. C'est une forêt. On s'entend. Bon, ne perdons pas une guerre de temps. De plus, là-dessus, on va passer maintenant à la deuxième chanson. Bien sûr. Hyper Street Fighter 2, The Anniversary Edition, et c'est la toune de Guile. Ah oui, c'est bien Hyper Street Fighter 2. Hein. Oui, c'est, oui. On s'entend que Capcom, il aime beaucoup faire des 20 000 jeux, tu sais, avec... Capcom, ça? Ben non, voyons donc. Eux autres ont refaire le même jeu 40 000 fois, puis les porter sur 12 000 consoles, voyons donc. Ils sont pas de même. Sont tellement de même. Fait que c'est ça, c'est Street Fighter. Je suis pas un fan de Street Fighter. Je suis plus un fan de Mortal Kombat. Je suis plus un fan de... peut-être Marvel vs. Okay. Capcom. J'ai pas eu ça. Ah, mais non, je suis vraiment un fan de Mortal. Je suis plus un fan des personnages en tant que tel. De Street Fighter, ils sont vraiment cool. Mais la musique, on s'entend, c'est vraiment... Là. Moi, il y a Guile. Il y a aussi Ryu. Ryu, il était 40. Ken. Ken. Ben, un paquet, là, filles longues. Sont toutes bonnes, tu vois. Moi, je trouve tous les thèmes des personnages sont tous excellents. Exact. Mais, entre autres, la toune de Guile, ce qui a été une espèce de meme sur Internet, ça dit que ça fit avec tout. Je trouve que c'est vrai. Mais, tu sais, quelqu'un en train de cuisiner du poulet, la musique de Guile. Ça pique. Ah, mais, hein, c'est comme ton poulet va être bien meilleur. Ton poulet va être bien meilleur avec la musique de Guile. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'elle était pique, là, on se le cachera pas. Et effectivement, comme vous l'avez compris tout à l'heure, ça a été fait et développé par Capcom. Yes. Nos bons amis. Ça a été composé par Isao Abe. Ah, ça, c'est un beau nom. Oui, ben oui. Seun Nishigaki. Nishigaki. On le salue aussi. Puis, vraiment, hein, ils ont choisi le composant. Ça a été porté, je crois. Ben, ça a sorti sur PS2, je me trompe pas. Justement, c'est la version anniversaire. Arcade, PS2, exact. Xbox. Exact. Mais il y a tellement des versions de mettons justement du Tel Nogil puis tout ça là, c'est sûr, on aurait pu prendre celle-là l'original, on aurait pu prendre celle-là du Super NES. Il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il fallait juste se dire ok, on va prendre celle-là. Mais surtout de bonnes dynamique. Ouais, dynamique, punchy, catchy, c'est vraiment efficace, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Dom? Ben, on a le stage 6 de Hard Corps Uprising. Yeah, c'est vraiment. Encore une fois, une toune assez... Je n'ai jamais fait une vraie critique à FGJ, mais je devrais. C'est vraiment un bon jeu. Non, continue. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Non, vraiment bon. Et je sais que c'est la suite d'un jeu qui est sorti sur Genesis, si je ne me trompe pas. Okay. C'est un contrat. Il y a un contrat sur Genesis. Puis c'est carrément une suite de jeux-là. Puis l'autre était pas similaire, mais avait beaucoup de ressemblances. Mais non, écoute, c'est capoté ce jeu-là. Ça a été fait, ça a été développé par Arc System Works, et on les adore, eux autres. Publié par Konami. Yes. L'artiste qui a fait le dans le fond, lui qui a dessiné probablement la côte artistique du jeu, c'est Daisuke Ishiwata, puis il a composé la musique aussi. Mm. Wow, quel artiste, gars, là. Ouais, vraiment... il devrait faire un band de métal. Ouais, un band de métal. C'est sûr que ça pognerait. Ah non, vraiment. J'ai jamais réussi à le passer, ce jeu-là. En tout cas, j'ai pas beaucoup joué, mais j'avais pour le fun, j'avais essayé avec un autre chum un tableau, justement. Je pense que c'était le 6, mais en tout cas, un tableau plus avancé, où je me suis rendu peut-être au 2. Ouais, ben, du 2. Justement, c'est, ouais. C'est fou, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais justement, je pense que c'est le mode Rising ou quelque chose comme ça. Est pas mal plus accessible parce que t'as le mode classique puis t'as le mode Rising. T'as le mode classique, c'est que t'as 3 vies puis là-dessus. Écoute, c'est pas même pas. Je pense que tu te fais toucher, tu perds toutes tes affaires, tu meurs quasiment one shot. Tandis que la version Rising, t'as la possibilité d'avoir une barre de vie. Tu peux augmenter cette barre de vie-là. T'as des guns, c'est ça, t'as plus de vie, fait que vraiment, il te donne plus de chance. Ce qui fait en sorte que le jeu, malgré qu'il est extrêmement difficile, il est pas mal moins chiant. T'as regardé les achievements de jeu là? C'est fou, là. Genre, jamais se faire toucher dans le mode normal. Ouais, ben, des affaires de même, là. Des affaires de fou, comme dans Mega Man 9 pis 10, il y a des achievements assez légers. Jamais se faire toucher, c'est quand même. T'as peu, là. C'est, si je jouerais rien qu'à ça de ma vie, ouais, peut-être. Je suis pas japonais, malheureusement, je suis pas capable de faire ça. Non, c'est ça, ouais. Mais, non, c'est ça. Vraiment très bon. Bon, c'est pas pour rien que la toune d'intro que vous entendez de notre podcast, c'est, ça vient de ce jeu-là. Mm. Parce que la soundtrack est tout simplement écœurante. Ceci bon, dit. C'est tout, fait que là, on vous envoie Shadow of the Beast, Airy Forest, pas ça, Hyper Street Fighter 2, The Anniversary Edition, le thème de Guile, et Arc of Surprising, le stage numéro 6. Yes! Here we go! Thank you. de go avec le troisième bloc, les yes. amis. On y va maintenant avec une de nos franchises préférées, oui. qui est faite par Konami, qui est également publiée par Konami. On parle de Castlevania Curse of Darkness. Garibaldi Temple. Oui, le temple de Garibaldi. Yeah! Fait que très cool. Comme je le disais, c'est ça, ça a été publié puis développé par Konami. Et le compositeur, et non, ce n'est pas notre fameux l'autre là, avec le nom japonais que je me souviens plus, ouais. dans Symphony of the Night. Maintenant, c'est rendu Michiru Yamane, Yuka Watanabe. Hey! C'est très ironique qu'il y ait beaucoup de Chinois qui composent la bonne musique de même. Je vous apprécie beaucoup. Puis dans mon autre podcast, ben, je passe mon temps à les haïr. Voilà. On en force pas que tu les aimes. C'est ça. Hey, non, écoute, très bon jeu, Curse of Darkness. J'ai aimé ça. Tu as essayé Curse of Darkness? Ah, moi, j'ai bien aimé. Je sais ça. Que c'était à la troisième personne. Ouais, exactement. Puis contrairement à son prédécesseur, la Man of Innocence, t'avais vraiment, tu pouvais bouger la caméra, ce qui faisait que c'était pas mal plus, c'était pas mal moins chiant quand on avait le temps de te promener dans le château. Puis, il avait ramené, moi, un truc que j'avais vraiment adoré de ce jeu-là, c'est qu'il avait ramené les familiers, comme les familiers dans Symphony of the Night. Puis, t'avais vraiment une espèce, tu sais, il avait vraiment poussé ce truc-là au maximum. Fait que, tu sais, il pouvait évoluer tout dépendamment de quel item, je pense, il donnait, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, c'était quand même un bon bout que j'ai joué. Mais t'avais plusieurs types de familiers pour tel type de gameplay que t'avais. Fait que non, j'avais bien aimé ça. Hack and Slash, ouais. Tout ce qu'il y avait de plus simple, mais la soundtrack est vraiment... Tu te rappelles-tu de l'endroit de la toune où ce qu'il joue le Garibaldi Temple? Non, absolument pas. Ça fait vraiment longtemps. Dans le temps, j'avais joué Xbox sur l'Xbox du frère à mon ex. Ouais, dans le temps qu'on était à Chicoute, puis je veux dire, on n'était pas tout le temps à jeu. Ça se peut que j'en ai manqué des bouts. Mais non, je sais que j'ai resté crocheté pas mal là-dessus. Puis moi, non, regarde. Je pense que c'est vraiment juste un temple. Parce que c'est probablement avec un personnage important. Mais bref, en tout cas, la toune est malade. Sur Play 2 puis Xbox. Voilà. Non, c'est ça, c'est vraiment très bon. Je vous le conseille. Si vous avez pas aimé La Mente of Innocence, vous allez aimer Curse of Darkness. C'était que. Good. Ensuite, un classique du PSA. Quelque chose qui... Je pense que c'est notre deuxième de Chrono Cross qu'on pense. Oui, exact. On avait mis celle-là du... je me souviens plus. Ouais, une bonne toune. Une bonne toune. Et là, on met Dead Sea. yes, donc de Chrono Cross. Encore une fois, c'est efficace. Moi, les tounes de plus Chrono... relax. Ah, vraiment. Très relax. On veut pas... on est habitué de vous envoyer de quoi qui rock pas mal. Mais là, on s'en va vraiment là, dans le plus smooth. Là. Ouais. C'est Yatsunori Mitsuda qui avait fait ça. C'est exactement lui, si je me trompe pas, qui avait co-écrit la soundtrack de Chrono Trigger avec Nobuo Uematsu. Et là, maintenant, c'est vraiment lui, tout seul, qui s'est chargé du projet d'écrire la soundtrack. Il a fait une bonne job, je trouve. Oui. Vraiment. Oui. Parce que c'est sûr qu'on peut pas comparer les deux soundtracks. Alors, compares Chrono Trigger, Chrono Cross, c'est impossible là, de dire que les deux sont... C'est instrumentalement trop différent. Ah non, c'est ça. Puis la simplicité du Super Nintendo versus ce qu'ils ont utilisé pour le PlayStation 1. Mm. Il y avait beaucoup plus de technologie. Il y avait le côté simpliste a été peut-être mis de côté pour un côté peut-être plus orchestral. T'sais. Moi, je fais juste penser à la chanson thème. Contrairement au Super Nintendo, que si tu mets un orchestre là-dedans, ça sonne comme ça n'a pas de bon sens. Mais encore là, il y avait des limitations. Fait que non, ils ont vraiment fait avec ce qu'il y avait, puis là-dessus, c'est délicieux, tout simplement. C'est vraiment très bon. Là, je joue un jour. Justement, comme non, parce que, comme je t'avais dit dans, je pense que c'était dans le dernier épisode, dans le 3 ou dans le 2, en tout cas. Tu sais, j'ai pas possédé de PlayStation, mais... Non, c'est ça, c'est vrai. Non, ben écoute, oui, ça vaut la peine, parce que c'est sûr, c'est pas aussi épique que Chrono Trigger. Tu sais, je veux dire, l'histoire... L'univers, les personnages, moi ça m'a pas attiré au même point que Chrono Trigger. Peut-être pour la simple et bonne raison que c'était sur PS1, il y avait un peu de 3D, puis on sentait que les jeux 3D qui datent du PS1, c'était plus rough. Ceux qui s'en sortaient bien, c'était bien souvent là, les platformers, les beaux platformers comme Castlevania, ou vraiment des jeux épiques ou mythiques. Mais c'est rare, t'sais, même les Banjo-Kazooie, les Spyro, c'est tous des jeux qui ont graphiquement un peu mal vieilli. Ça reste que c'est le fun. C'est répétitif, mais ça, bon, Ah, Banjo. C'est des jeux de PS1. Je n'entends jamais de ce jeu-là. Fait que, voilà. J'ai parlé pas mal, mais c'est parce que... Ouais, moi, hein, quand même. Excuse-moi. Non. Mais Chrono Cross, parce que c'est sûr que moi, j'ai quand même... J'ai quand même de beaux souvenirs là-dessus, sauf que je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc, voilà. Ah, c'est vrai. Sur ce, on switch de tout. On switch. Comme exactement le familier de Symphony of the Night dans Castlevania 1. Je vous conseille de jouer à ce jeu-là. Quand vous allez pogner le démon et qu'il va arriver pour peser sur une Switch, il va dire « Oh, S-Switch! » Moi pis Dom, ça me fait très rire. Bon, on dit qu'on aime ça, ouais, le cheesy voice acting. Ouais. Finis par le dire. Donkey Kong Country au 3. Game Boy Advance 3. Oui, merci de me le préciser. Comment ça s'appelle, ce nom d'homme? Stilt Village. T'as joué pas mal à Donkey Kong Country 3, toi. Version Super NES, oui, mais pas au GBA, vraiment. OK. Ben, version GBA, c'est assez similaire. Sauf que la soundtrack... Ça n'a pas été écrit par David Wise. Ça a été écrit, si je ne me trompe pas en plus, c'est une femme. Evelyn Fisher, non. Mon Dieu, c'est pas une. Ok, là, tu parles de la Super NES. C'est pas une japonaise, je capote. Evelyn Fisher Novakovic. Ça a peut-être bien russe. Puis, c'est marqué David Wise, mais je sais de source sûre que c'est pas. David Wise n'avait pas touché. Okay. Ou peut-être un peu pour ce qui est de l'écran de titre. Là, tu parles de la version Super NES. Super Nintendo. Okay. Ça a été écrit par la version Super Nintendo, Evelyn Fisher Novakovic. Et la version Game Boy Advance a une deuxième soundtrack de Donkey Kong Country 3, qui est complètement réécrit, complètement refait, et c'est David Wise maintenant qui a pris la barre pour ce jeu-là. Ça marche très bien. Cette valeur, ce n'est pas David Wise qui est souhaité sur le Super NES. Exact. C'est pas si mauvais, ce que chose Evelyn a fait, la chose. chose Evelyn. Mais... On l'appelait notre... David Wise, c'est tellement un génie. C'est sûr que lui, c'est lui qui a composé les deux meilleurs soundtracks de Donkey Kong au Super Nintendo. Il y a personne qui va nous contredire là-dessus. Mais moi, je me suis rendu compte de ça dernièrement. Il y a quand même des chansons qui sont mémorables. Tu sais, je les entends, mais ils fit avec le jeu. C'est pas nécessairement quelque chose que j'écouterais dans mon iPod, dans le bus ou quoi que ce soit, mais tu joues au jeu... Ça fit avec l'environnement, tu te promènes dans des espèces de portes, même tu tires des cordes pour ouvrir des portes de bois, ça fait très chalet, ça fait très bois. C'est ça. Puis ça fit avec le décor, ça fit avec l'ambiance. Parce que vous ne voulez pas, il n'y a pas toujours des tunes que tu veux, qui sont écoutables en parenthèse. Il y a des tunes qui sont faites pour fitter avec l'ambiance du jeu. Puis ça, c'est. Je veux pas, ça révèle un grand talent aussi. Ah, c'est ça. Puis tout. En composition. Tu sais, prends Dead Space, ou peut-être. Silent Hill, t'en as des bonnes. Mais surtout Dead Space, tu sais, c'est juste des affaires fréquentes, puis des pianos joués dans les notes les plus. Les plus aiguës que des fois. Des affaires bizarres. C'est pas des affaires que je me promènerais pas en char pour aller. Tu sais, sur ma belle famille à Noël, avec ça dans le char, côté avec ma blonde. Là. Je veux dire, c'est quoi? Un nécromorphe en arrière dans le char qui va te murer des affaires. Ouais, me buter. Mais c'est ça, c'est que t'as vraiment des chansons qui sont spécifiquement pour le jeu et il y en a qui peuvent être écoutables. Tandis que celle-là, moi, je trouve que c'est un peu le mélange des deux. Tu sais, autant que. Mais moi, c'est ça qui m'a. En même temps, oui, c'est vrai qu'elle fit avec le jeu, mais la première fois que j'ai écouté la soundtrack de ce jeu-là, je me suis dit « Ouh, j'ai peut-être pas autant aimé ça que je le pensais. » Pourquoi? Okay. Parce que je suis plus habitué que l'original. C'est peut-être moi. Mais celle-là est vraiment bonne, par exemple. Mais c'est ça, c'est cool. J'ai qu'en fait « ça fit parfaitement que le jeu. » Fait que c'est cela. On va arrêter de placoter comme des placoteux, puis on va vous laisser écouter. Qu'est-ce qu'on va vous faire écouter? Premièrement, la première, c'est Castlevania Curse of Darkness, Gary Body Temple. Ensuite, Next. Chrono Cross avec Dead Sea. Et nous finissons avec Donkey Kong Country 3, Stilt Village. Oh, et Switch! Thank you. Nous sommes de retour, les petits amis! Effectivement! C'est que là, on est rendu au dernier bloc. On est rendu au bloc number 4. Yes! Numéro 4. Je vais te laisser présenter la prochaine chanson. Fait que là, on commence avec F-Zero. Yeah! C'est une version metal de Big Blue qui s'appelle... C'est le Guitar Arrange Edition. C'est en fait la version qui était sur F-Zero X. C'est une... Écoute, c'est complètement fou. Ah, c'est cool, ça. C'était un inconnu d'à peu près tout le monde, je pense. Ben, Big Blue, je pense que c'est une des plus connues des MCO. C'est Help New City, là. Beaucoup, beaucoup de covers, beaucoup de réarrangements sur Internet. Ouais. Vous pouvez en trouver peut-être une vingtaine, centaine, peu importe. Puis, j'ai vraiment adoré cette version-là. Je sais pas si l'album est achetable ou est trouvable sur Internet. Je sais pas. En tout cas, si il est achetable, il doit être cher. Parce que j'avais déjà vu, exemple, je sais pas si tu connais le groupe Crush, Crush 40. Non. Qui ont fait les tunes de Sonic. Ok. Band de Puis c'est, je pense qu'il y a un album sur eBay, il y en a quelques-uns qui sont chers. Ah oui. Parce que c'est rare. Fait que. Non, c'est ça, ça doit être assez rare, mais écoute, on est content d'avoir ça dans le show, puis ça va vraiment friser le poil de l'air. C'est un cover très, très, très métal, puis je sais pas c'est qui, malheureusement, on n'a pas trouvé qui a composé ça. C'est ça, mais en tout cas, il l'a. Ah, il l'a. Il n'y a pas à dire que c'est vraiment excellent. On y va tout de go avec un petit jeu de mon enfance. J'ai joué à ça quand j'étais petit. Mais j'aime pas cette version. Je dois être le seul, honnêtement, qui aime pas ce jeu-là. C'était Mario Kart-là. Moi, c'est pas compliqué. On a joué au 104, là. Comme des fous. Puis au SNES, là, j'étais pas bon. J'étais tout le temps en train de pogner les murs. Mais reste que la musique était cohérente. Et là, on parle de Koopa Beach. Le Super Mario Super Kart. Super Mario Kart. Sur Super Nintendo. Super Nintendo. J'adore ce soundtrack-là. J'adore cette musique-là. D'ailleurs, je vais faire... si vous allez sur Internet et vous tapez The One Ups, moi, ça a été un de mes coups de cœur personnels. Je pense que c'est l'été passé. Puis les One Ups, c'est comme un band qui font des réarrangements puis des covers de musique, mais un peu jazz, des fois rock, okay, à leur façon. Je t'en avais fait écouter. Tout avait... Je sais que ça fait pas nécessairement capoter. Ouais, mais des fois, je trouve qu'il y a des hits, des tunes qui méritent. Faudrait pas qu'ils soient retouchés. Ça dépend comment qu'on la rend. Ouais, comment les instruments utilisés, parce qu'il y a des tunes qui ont des... Mais non, il me semble que cette tune-là, je t'avais fait écouter et t'avais aimé ça, parce qu'ils l'ont vraiment bien arrangé. C'est vraiment... Originalement, cette tune-là, elle sonnait comme ça. Je pense que je m'en rappelle, oui. Puis il y a des tunes qui ils font comme en version techno, puis ça fit pas. Puis là, non, moi, c'est ça qu'il faudrait pas qu'ils soient retouchés. C'est comme si tu touches à ça, tu gauches ça. C'est ça, exact. C'est fait par Nintendo EAD, encore là, ça doit être Half America, ou peut-être, bref, rappelle. Et ouais. C'est publié et développé par Nintendo. Bon, c'est ça. Ça a été composé par Soyo Oka. Soyo Oka, je vais vous dire bien franchement, j'ai jamais vraiment entendu parler de lui. Probablement qu'il doit faire toutes les soundtracks des Mario Kart. Il doit en faire une couple. Ah, ben, ok. Il a fait quoi, ce truc? Ice Hockey, Colin... C'est bon, Excite Bike, Pilot Wings, au SNES, SimCity. C'est pas Mario All-Star. Ouais, Wario's Wood, Battle Bug. Non, il en a fait quand même des potes. Il a fait des jeux là, aussi Zombie Daisuki. Zombie Daisuki. Daisuki et Daisuki. Oui, c'est ça. Après ça, comme je le pensais, il a fait pas mal toute la soundtrack des Mario Kart. Entre autres, il a fait Excite Bike. Non, mais il a fait du bon stuff quand même. Il a fait pas mal. Non, c'est quand même pas à mettre de côté. Fait que, encore là, ça reste une très bonne chanson. Moi, le jeu, c'est peut-être lui que j'ai le moins. Ben, Koopa Beach, je me rappelle de la course, mais il n'y avait pas plusieurs versions de cette course-là, il me semble. Que, ça se peut. Ben oui. En fait, ça, que t'as Koopa Beach 1, 2, ou je me trompe. Ah, ou peut-être qu'il y en avait plusieurs versions. Ouais, ça se peut. Je sais que c'était chiant, dès que t'allais dans l'eau, t'avançais pas vite, puis tu passais ton temps à sauter. Là, ouais, c'est ça, boing, boing. Ouais, non, c'est ça. Mais je sais, je pense qu'ils en ont fait, ils l'ont repris dans certains Mario Kart. Je sais pas si okay. C'est lui à la Wii ou au DS. Je me souviens pas. Lui, ça, ouais, ah oui. Puis ils l'ont refait, oui, carrément. Oui. Puis c'est ça, ils ont pris ce stage-là, puis ils l'ont vraiment remasterisé, ouais, avec des beaux graphiques. Le résultat est fantastique et la musique est encore très bonne. Mais ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, on vous donne l'origine. Après ça, bon, hey, notre dernier, la moindre. Ouais, on finit en beauté. On finit avec un très bon classique. On finit avec Super Mario RPG. Ouais, Monstro Town. Oh, que oui, mon homme. Messieurs. C'est tellement un jeu épique. Écoute, ça a été développé par Square dans le temps, ça a été publié par Nintendo. Il y a vraiment une grosse palette de monde assez célèbre qui ont fait ça. Ouais. Les compositeurs sont nul autre que Yoko Shimomura, que bon, on va aller cliquer vite sur son nom. On va essayer de voir si ce qu'il a fait, c'est tant épique que ça. Parce que moi, seulement, je ne le connais absolument pas. C'est une fille ou un gars? C'est une très bonne question. Ça a l'air d'être une fille. En tout cas, regarde la photo, puis... Donc, elle a quand même fait des pas pires soundtracks. Oh, ok, elle a travaillé sur la série Mario Luigi Bowser Inside Story. Ça, c'est cool. Ouais, cool. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance. C'est pas Fire 1, God. Elle a fait des arrangements. Tu sais. Donc, Parasite Eve, pas mal de Gargoyle Quest. Non, c'est quand même bon. C'est vraiment très bon, mais bon, on s'entend qu'elle a été un peu effacée par les deux noms qu'on va dropper. Koji Kondo, qui a fait la soundtrack des Mario, et Nobuo Uematsu, lui, qui a fait la soundtrack des Final. Fait que t'avais ces trois génies-là. Méchant trio. Tu sais, ouais, qui étaient en train de composer probablement une des soundtracks les plus épiques d'un RPG qui combine l'univers de Mario et l'univers avec Final Fantasy en guidant le bateau. Wow. Tout simplement, wow. C'est pas une tune qui est super, super populaire, mais... Ah, Smooth, je l'aime bien. Ah, Smooth, c'est ça. Non, elle est bonne. Parce que Monstro Town, c'est pas une grande ville. Même à ça, ça ressemble pas à une ville. T'es comme dans une espèce de petite montagne, je sais pas trop. Puis ce qui est drôle, c'est que les habitants de ça, c'est comme des ennemis. Tu rencontres des piranhas, les... Je pense que t'as des coupas, t'as aussi... Ah, des espèces de ouais, fantômes, les bouts, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme des ennemis, mais pacifiques. Ah non, ça c'est cool, ben, c'est ça le Monstro Town, ouais, la ville des mondes. Puis là-dedans, c'est aussi là que tu bats Culex. Ah. Culex, ça c'est le... C'est comme le monstre avec la tombe de Final Fantasy qui est au milieu. C'est vrai qu'on va sûrement vous mettre à un moment donné, mais c'est sûr qu'elle est pratiquement identique à la bataille de Final Fantasy 2 en Amérique du Nord. Et Final 4 qui se trouve être la tombe de bataille. Je me suis pas... Très, très, très bon. Boss Battle, si je me trompe pas. Parce que oui. Puis, il y a un moment où tu vois un espèce d'ennemi. Bah, c'est un ennemi. C'est comme un espèce de boss. Mais en même temps, c'est pas un boss parce que quand il tue, tu meurs pas, là, tu sais. Ouais. C'est comme... Il s'appelle Jinx. tu le rencontres. Au début, tu fais comme rencontrer son bras droit. Puis son bras droit, c'est quelqu'un que t'as rencontré souvent dans le jeu, puis je me rappelle pas de son nom. Puis quand tu le vois, tu fais le saut, puis là, tu bats contre lui. Si tu vois qu'il est rendu plus fort, mais tu es second volé pareil. À un moment donné, son sensei, son professeur, il arrive, puis c'est Jinx. C'est comme une espèce de petit cul avec une couette verte, comme Bibi. Puis le capot, il est vraiment tout petit, il a l'air vraiment... Il a de l'air faible ou tout ça, mais tu le bats trois fois, t'as trois combats. La première fois, il se fait quand même bien, il est facile. Ça, la deuxième fois, là, il change ses attaques, il est plus tough. La troisième fois, prépare-toi, c'est quelque chose. Parce que, il y a des attaques qui sont pas bloquables, donc la plupart du temps, il y a des attaques qui tuent one shot. Puis, parce que dans le RPG, on peut contrer les attaques, t'sais, quand tu pèses au bon moment, tu peux bloquer. Tu peux éviter une attaque pour la bloquer. Tu peux, tu l'évites pas, mais tu peux la bloquer. Tu prends moins de dommages. Tu prends moins de dommages. Mais lui, ses attaques sont pratiquement vraiment imbloquables, sont vraiment dures. Puis, je pense qu'il donne un item à la fin qui vaut vraiment la peine, mais. Non, c'est ça, un combat qui vaut à peine, ouais. Des items qui vaut à peine. Ça, règle générale, tu bûches fort pour avoir ça. Ouais. Donc c'est sûr, ça doit être assez difficile. Très bon. Il faut que je le fasse, ça. Ouais, pas le choix. T'as pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Colin, c'est tout. C'est déjà tout. Ça passe vite. Hein? Ouais, trop vite. Fait que, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter F-Zero, donc Deciding... Ouais, c'est vrai, on n'a pas dit le nom de la tune au début. Hein? Non. C'est Decide... ouais, c'est ça, ils ont changé le nom des tunes pour cet album-là. C'est Decide in the Eyes. Ouais, Decide in the Eyes. Guitar Orange Edition. Voilà, mais tu sais, ça reste Big Blue quand même. Ouais, quand même. Après ça, on a Super Mario Kart Koopa Beach. Et on a Super Mario RPG Monstro Town. Bonne écoute! We'll Conclusion, et oui, nous sommes déjà la fin. Ah, on a le temps de fun, on a le temps de plaisir à parler de musique, de jeu, puis de jeu. Mais toute bonne chose a une fin. Ouais. Mais ce ne sera peut-être pas fini. Mais pour cela, vous devez nous donner des suggestions pour le prochain épisode. N'oubliez pas les titres spécifiques. Oui, on veut des titres, on veut des tonnes. Pour nous, ça va être plus facile de les retrouver puis de les remettre dans l'épisode. Donc, on vous rappelle également que vous pouvez aller aimer notre page Facebook. Yes. Geekorama sur Facebook. Très facile à rejoindre. Ensuite de ça, maintenant, oui. Nos Twitter. Oui, nos Twitter respectifs. Toujours vers @VILDALN sur Twitter. C'est la même chose pour moi. En commercial, Dominique, petite barre en bas, Jean. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous retweeter quand viendra le temps de la sortie des épisodes. On apprécie beaucoup. Merci encore une fois d'avoir été là. Oui. On a toujours bien du fun à faire ça. Vraiment. Exact, exact. Ah, et on se revoit probablement. Si on est là, dans le prochain épisode. Si je suis pas là dans le prochain épisode, puis je suis là, il y a un problème. Ouais, on pourra même parler tout seul longtemps. Voilà. Non, mais merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont écrit. Et on se voit la prochaine fois. Ciao! Au revoir!